Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Adrien Roux et je termine actuellement une thèse consacrée à l'étude de la corruption internationale en droit pénal et sciences criminelles à Aix-Marseille. Et donc effectivement, je voudrais donner quelques éléments sur cet ouvrage qui vient de sortir et que j'ai co-dirigé. À l'origine, c'était un colloque que nous avions organisé, qui était un colloque avec vocation scientifique, qui essayait de rassembler déjà, et ce n'est pas évident en soi, les chercheurs de différentes sciences, sciences sociales, sociologie, histoire, sciences politiques, droit. Et c'est des disciplines qui n'ont pas forcément tendance à se parler déjà entre elles, mais ce qui produisait des échanges intéressants déjà. Mais aussi, et c'était notre ambition primaire, de pouvoir communiquer les résultats de ces échanges à la société civile. Et donc c'était un colloque qui était co-organisé aussi par des associations, dont Anticor et Transparency International. Ce colloque a reçu un succès à Aix, c'était en 2013, qui était un peu inespéré. Et on en a conclu la nécessité de poursuivre nos travaux et on a continué à organiser ce colloque qui en est maintenant à sa troisième édition, pour cette année 2015, en septembre. Alors, pour introduire un peu le sujet, c'est vrai que j'ai coutume de dire que le thème est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va tomber, mais on va avoir une activité en tout cas débordante, des publications essentiellement dans la presse, et c'est assez curieux de constater d'ailleurs que le nombre de publications dans la presse, en particulier, le nombre d'articles consacrés à la corruption, sous toutes ses formes et envisageant toutes ses conséquences, est un peu inversement proportionnel du nombre de condamnations qu'il y a chaque année devant nos tribunaux. Puisque si on regarde les condamnations en matière pénale, on est autour d'une petite... c'est très variable, d'ailleurs on ne dispose pas toujours des chiffres complets, mais c'est autour d'une petite cinquantaine par an. D'ailleurs, une tendance à la baisse ces dernières années. Bon. Ça serait un phénomène criminel, finalement, si on regarde les statistiques, assez marginal. Or, l'actualité a tendance à nous dire un peu le contraire, et surtout que la corruption n'est pas forcément une infraction, avec tout simplement un corrompu, un corrupteur, quelques pots de vin, des affaires assez simples, mais souvent ce sont des systèmes organisés qui impliquent des dizaines de personnes qui ont une permanence dans le temps assez extraordinaire et toute une série de conséquences à la clé qui peuvent être de la manipulation de marché public jusqu'à la prospérité. Alors, moi je viens d'Aix-Marseille, hein. Il y a un prisme un peu local, mais jusqu'à la prospérité de certaines formes de crimes organisés. Et vous avez des sujets très très lourds, puisque à Marseille, moi j'ai travaillé beaucoup sur une affaire que vous connaissez peut-être moins ici, dont on pourrait reparler peut-être au moment des questions, mais c'est l'affaire Guérini, par exemple. Jean-Noël Guérini étant jusqu'à très récemment président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, une institution qui gérait la modique somme en budget annuel de 2,5 milliards d'euros. Et on s'aperçoit qu'en regardant les juges, en tout cas, se sont aperçus, en regardant d'un peu plus près les marchés publics, qu'il y avait, disons, quelques problèmes d'ordre systémique. Bref, une actualité débordante, mais aussi une gravité qui est sans cesse attestée par des nouvelles études. Et ça, c'est assez intéressant, d'ailleurs, puisque on voit des publications dans des revues parfois très prestigieuses, comme Nature, qui accréditent l'idée que la corruption serait en fait... un des éléments centraux d'un grand nombre de dysfonctionnements. Et ça, c'est assez inattendu. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est des chercheurs australiens qui ont publié, il y a 2 mois, une étude dans laquelle ils montrent que le principal facteur d'un problème mondial grandissant et qui est colossal, qui est la résistance aux antibiotiques, eh bien, le principal facteur, ou en tout cas le facteur déterminant, ça serait la corruption. Ce qui paraît assez étonnant. Eux-mêmes, les chercheurs disent dans leur étude, bon, nos conclusions vont étonner sans doute nos condisciples, mais on s'est aperçu, et donc chiffres, tableaux à la clé, on s'est aperçu d'une corrélation très nette, extrêmement forte, entre le niveau de corruption d'un pays et le niveau de résistance aux antibiotiques qui a été considéré par l'OMS comme un des grands problèmes à venir et qui risquerait d'engendrer des dizaines de millions de morts dans le monde dans les années à venir. Et ça, la raison finalement en est simple, c'est ce qui explique les chercheurs, même s'ils appellent à des études un peu plus poussées sur la question, c'est tout simplement que les protocoles qui sont utilisés, les mesures de précaution, tous les schémas qui sont mis en place pour lutter contre la résistance aux antibiotiques sont tout simplement détournés dans les pays corrompus. Pourquoi suivre des précautions? Pourquoi suivre un protocole? Pourquoi suivre des régulations qui sont pensées pour devoir s'appliquer quand finalement il y a moyen de s'arranger, ou quand on est dans des pays qui ont la culture de l'arrangement? Et donc effectivement, cette corrélation est très très nette. Autre exemple, c'était aussi un article publié dans Nature, un peu plus ancien, en 2011. C'est des chercheurs qui ont établi une corrélation. Alors c'est des revues qui ont classiquement... qui s'aventurent assez peu sur le terrain de la corruption et encore moins des sciences sociales ou du droit. C'est plutôt des revues de sciences dures, disons. C'était assez curieux de voir déjà cet article. C'était un article intitulé « Corruption Kills » et qui montrait qu'il y avait aussi une corrélation extrêmement forte entre le niveau de corruption d'un pays et le nombre de morts par tremblement de terre. Autrement dit, c'est assez simple, pareil, vous avez des régulations, des lois qui viennent prévoir un certain nombre de standards pour la construction, la solidité des murs, des bâtiments publics et autres. Quand vous avez un pays très corrompu, tout simplement, ces lois ne sont pas respectées. Donc les bâtiments s'écroulent comme des châteaux de cartes. Et quand vous avez un tremblement de terre, eh bien, ça fait des milliers de morts, là où, si on avait respecté les lois du pays, il y aurait en fait finalement très peu de victimes. Et les conclusions de l'étude étaient redoutables, puisqu'elles ont montré que les pays qui avaient une corruption anormale, disons, étaient ceux dans lesquels on rencontrait plus de 80 à 90% des victimes de tremblements de terre. Autrement dit, une corrélation extrême. Et ça, je voulais le dire en introduction, parce que on pourrait multiplier les exemples, je vais en reprendre après quelques-uns issus de mes recherches récentes, après, mais on a une pensée, disons, on a un certain nombre de préjugés sur le fait que la corruption, finalement, serait quelque chose d'assez inoffensif, que ça ne porterait pas atteinte, finalement, à la vie des personnes, que c'est une infraction de col blanc qui implique quelques petites magouilles, ce qu'on entend souvent, mais finalement, dont les conséquences sociales seraient assez neutres, voire même, on a eu des chercheurs, notamment aux États-Unis, qui ont développé la thèse inverse, c'est-à-dire que la corruption serait même nécessaire dans un chemin pour le développement. Ça permettrait d'éviter les contraintes bureaucratiques anormales et donc favoriser la croissance économique. On s'aperçoit petit à petit, avec les données de la science, que tout ça est faux et que ces préjugés sont extrêmement tenaces. Je vous donne un exemple récent. Mais à l'occasion des dernières lois qu'on appelle loi Cahuzac, bien qu'elles n'aient pas été pilotées par Jérôme Cahuzac, le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur ces lois et a censuré un certain nombre de dispositions. Et notamment, ce qui était prévu, c'était l'extension de la garde à vue à une période de 96 heures pour les cas de corruption. Et le Conseil constitutionnel a considéré, d'ailleurs avec un argument qui n'est pas dans la Constitution, qu'il a sorti pour l'occasion, que la corruption ne portait pas atteinte à la sécurité, à la vie, à la dignité des personnes, et que par conséquent, il n'y avait pas besoin d'étendre le régime de la criminalité organisée à cette infraction finalement peu grave. Et ça, si vous voulez, ça m'interpelle, ça me pose question, parce que je me demande comment le Conseil constitutionnel peut affirmer de manière aussi directe et franche que la corruption ne porte pas atteinte à la sécurité, à la vie, à la dignité des personnes. Moi, je crois que les données de la science disent exactement l'inverse, mais que cette atteinte, évidemment, est assez indirecte. On peut trouver aussi des exemples où elle est directe. C'est-à-dire, imaginez par exemple une corruption d'un agent de police pour qu'il livre son informateur. Vous allez avoir des mesures de rétorsio immédiates sur l'informateur et vous allez avoir l'élimination physique de l'individu. Tout simplement parce qu'on a réussi à obtenir des informations d'un agent public corrompu. Donc il y a des multiples exemples pour lesquels, en réalité, le lien entre la vie des personnes et la corruption peut être assez direct. Mais les clichés sont tenaces. Un chiffre noir considérable, ça pour dire qu'il y a un écart absolument colossal, et ça c'est l'objet de ma publication dans le livre, ma contribution, il y a un écart absolument colossal entre les données dont nous disposons et qui nous laissent imaginer un continent noir. Le juge Renaud Van Ruynbeck parle, lui, de quand il fait ses enquêtes de sondage dans la croûte terrestre, qui fait en remonter un certain nombre d'informations. Et ces informations nous laissent imaginer un monde qui est beaucoup plus grand que ce qui était prévu et imaginé. Ce continent noir, on a très peu de moyens de le connaître. Et d'ailleurs, on a très peu de recherches, c'est mon dernier point, c'est-à-dire que vous n'avez pas en France de centres de recherche spécialisés, vous avez très peu de chercheurs qui, moi je le regrette personnellement, hein, mais très peu de chercheurs qui travaillent sur ce terrain-là, qui est semé d'embûches aussi, il faut le dire, et qui est, comment dire, le monde académique lui-même vous met plutôt des bâtons dans les roues plutôt que vous invite à explorer ces questions-là. Il y a plusieurs raisons à ça, on pourra en revenir dans le débat, mais en tout cas, à la différence d'ailleurs d'un certain nombre de pays, le Canada par exemple, ou les États-Unis, un des premiers et des plus gros centres de recherche de l'université Harvard, par exemple, est centré presque exclusivement sur les questions de corruption et fait un travail de recherche colossal sur le sujet. Il emploie des dizaines de chercheurs, des millions d'euros pour cette cause-là, qui, aux États-Unis, en tout cas, on le sait, a aussi des conséquences assez ravageuses. Alors, pour définir la corruption, finalement, c'est important de commencer un peu par là, c'est vrai qu'il y a aussi des écarts en termes de représentation. C'est-à-dire que ce qu'on entend quand on parle de corruption, ce qui est dans la tête des personnes, des citoyens notamment, n'est pas forcément ce que, en tant que juriste, on peut appeler vraiment la corruption. Pour résoudre un peu cette difficulté, moi j'ai souvent recours à cette définition en trois niveaux, c'est-à-dire que je pars en réalité d'un mot qui appartient au vocabulaire du droit pénal, la corruption, c'est une série d'infractions qui se dédoublent en deux d'ailleurs, corruption active, corruption passive, je vais y revenir, mais finalement qui concerne assez peu de cas et dont le schéma est assez simple, je vais y revenir. On peut élargir un peu cette définition à ce qu'on appelle la famille d'infractions des manquements au devoir de probité. Manquement au devoir de probité, c'est en réalité des infractions qui sont assez proches, qui traduisent un esprit de corruption et qui sont aussi dans le code pénal sous le même sous-titre, à savoir trafic d'influence, favoritisme, prise illégale d'intérêt, etc., etc. On pourrait même associer à cette famille toute une série d'autres infractions qui parfois participent du même schéma. Ça peut être, par exemple, les abus de biens sociaux. Vous avez sans doute tous entendu parler de l'affaire Elf. L'affaire Elf n'était pas en soi, au regard du droit pénal, un scandale de corruption. Ça l'était, en vrai. Mais ce n'était pas en soi de la corruption, puisque ça a été traité sous l'angle de l'abus de biens sociaux. Ce qui est parfois un palliatif quand on n'arrive pas à utiliser des définitions juridiques qui sont trop restrictives, trop étroites, pour aboutir à un résultat assez concluant. On a un exemple récent aussi, c'est la relaxe de l'ancien ministre Éric Woerth dans une affaire de trafic d'influence où les faits n'étaient pas contestés, où il y avait bien, en quelque sorte, une forme d'échange implicite, en tout cas, entre une légion d'honneur pour un gestionnaire de fortune et l'embauche de la femme du ministre. Le tribunal l'a relevé, mais il a estimé qu'il n'y avait pas finalement de preuve absolue qui permettait de relier ces deux éléments-là pour entrer en voie de condamnation. Bon, la preuve absolue, ça aurait été quoi ? Qu'on ait un film de la remise, de la discussion ? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour arriver à cette condamnation ? C'est très délicat, et d'un point de vue juridique, on le voit souvent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des instructions qui sont longues, on a des tribunaux qui relaxent parfois sous cette exigence d'un standard de preuve qui est trop élevé. D'où la tentation des juges d'utiliser d'autres outils qui sont un peu plus performants, comme l'abus de biens sociaux. Troisième, finalement, si on monte en généralité, et là on arrive à la conception qu'on a un peu plus commune en matière de corruption, c'est ce qu'on pourrait dire le phénomène de corruption. Il est défini par l'Union européenne, et d'ailleurs par la plupart des organismes internationaux, comme tout abus de fonction aux fins de... Alors ça dépend des cas, mais ça peut être aux fins d'un gain personnel. Moi, je préfère écrire aux fins d'un gain privé, parce que ce gain n'est pas forcément personnel. Par exemple, dans le cas d'Éric Woerth, vous aviez le simple fait qu'un de vos proches soit employé dans une position qui ne correspond pas à ses qualifications, ça peut être un avantage que vous avez, disons pas forcément pour votre personne, mais qui est un avantage privé tout à fait distinct de l'intérêt public. Alors le schéma de la corruption, ça c'est le schéma le plus simple, c'est le schéma issu du code pénal. Donc au sens du code pénal, la corruption se divise en deux branches, ce qui permet de les traiter séparément d'ailleurs, un côté du corrupteur, celui par exemple qui va verser le pot de vin, qu'on va appeler la corruption active, et un angle du côté du corrompu, celui qui est l'agent public et qui va trahir sa fonction, trahir la confiance du public, en acceptant en quelque sorte de monnayer un acte de sa fonction contre ce que le droit appelle un avantage quelconque. Avantage quelconque, ça signifie qu'il n'y a pas forcément besoin que ce soit un avantage monétaire, ce n'est pas forcément une somme d'argent. D'ailleurs, il y a même un tribunal qui a estimé qu'un échange de faveurs sexuelles contre un acte de la fonction constituait bien rentrer dans le schéma de la corruption. Donc c'est un avantage quelconque au sens large, et c'est pour soi-même et pour autrui. Donc ce n'est pas nécessairement pour la personne de l'agent public. Il suffit que ça lui bénéficie de près ou de loin. Alors, pour traiter ce sujet un peu vaste, moi je vous propose de fonctionner suivant ces deux parties, ces deux grands axes, avec d'abord ce qu'on voit émerger petit à petit, étape par étape, ce qu'on pourrait appeler une préoccupation croissante. Et il y a vraiment de plus en plus la construction de cette question de la corruption et qui se pose et qui reste ouverte à notre société. Et ensuite, suivant en cela des données un peu récentes qui font l'objet de mes travaux en ce moment, de vous parler des déterminants de la corruption, c'est-à-dire en particulier que nous dit la criminologie, que nous disent un certain nombre d'études en psychosociologie criminelle, par exemple, quelles données nous disposons pour essayer de comprendre quel est le mécanisme psychologique à l'œuvre derrière la corruption. Qu'est-ce qui fait, par exemple, ça frappe, mais par exemple dans celui de la FIFA, le scandale qui est quand même un peu dans toutes les têtes en ce moment, qu'est-ce qui fait que des personnes qui ont déjà des situations de pouvoir extrêmement élevées, qui sont elles-mêmes dans des situations de richesse matérielle, vont encore se laisser corrompre à prix d'argent pour détourner finalement complètement l'esprit des missions et des organisations qu'ils ont pu servir pendant parfois des décennies? Qu'est-ce qui fait que ce besoin d'enrichissement est sans limite au point d'outrepasser les exigences de respect de la loi ou les exigences de respect simplement moral des organisations que l'on sert? Donc, ce que j'essaierai de montrer dans un deuxième temps. Donc, première partie, la corruption est une préoccupation croissante, avec d'abord peut-être un retour historique, que je ferai assez rapide, sur comment s'est construit petit à petit dans notre République, avec l'exemple de la France, la corruption, la lutte contre la corruption et l'idée qu'il y avait finalement des multiples formes de corruption qu'il fallait appréhender les unes à la suite des autres. Avec dans un deuxième temps, je donnerai quelques mots sur l'internationalisation, puisque ça fait l'objet aussi de beaucoup de questions. Vous avez tous sans doute entendu parler récemment de l'affaire Alstom. Affaire Alstom, qui pose aussi un certain nombre de questions sur ce phénomène à l'échelle internationale et la manière qu'on a d'y répondre, puisque la France n'y a jamais eu de condamnation judiciaire d'Alstom, ni d'ailleurs l'année précédente de Total. Et pourtant, ces sociétés ont été très lourdement condamnées aux États-Unis, des amendes qu'elles ont, d'ailleurs pour des faits qu'elles ont reconnus, dans ce qu'on appelle des accords négociés, et qui a, eu des conséquences assez graves pour leurs propres finances. Alstom est en voie de démantèlement, ça va cesser tout simplement d'être une grande entreprise française.